Voici, en une heure environ, des poèmes extraits de deux recueils complémentaires de Victor Hugo. L'art d'être grand-père, publié en 1877, et Chansons des rues et des bois, publié en 1865. Ces deux recueils ont été rassemblés dans un même volume, publié en 1995 dans le Maxipoil des classiques France, où je les ai trouvés. On se souviendra, premièrement, que Victor Hugo s'était volontairement exilé après le coup d'État en 1851 du futur Napoléon III, et que de son exil, il fut si joué à l'empereur, notamment dans ce recueil des châtiments. Ce recueil a fait l'objet d'un diaporama géant posté sur YouTube. Deuxièmement, en 1871, alors qu'il était revenu en France, Victor Hugo recueillit, à la mort de son fils Charles, ses deux enfants, Georges, né en 1868, et Jeanne, née en 1869.